Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba'a huda. Amma ba'du fa, aujourd'hui le 2 du mois de Rabi Anil Akhir, de l'année 1443, après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons cette troisième assise de révision de nos cours concernant le commentaire du livre Al-Usul Sitta, Al-Usul Sitta, du Cheikh al-Islam, Mohamed ibn Abdel Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi, rahimahullah ta'ala. Cheikh al-Islam, Mohamed ibn Abdel Wahhab, quand est-il mort? En quelle année? 1206 de l'Égypte. Ahsant, jazakallahu khaira. Il vient de quelle tribu? Rahimahullah ta'ala. Il vient de quelle tribu? Il vient de Najd, ça c'est de la région dans laquelle il vient. Mais de quelle tribu il vient? Salim Tfaddal. Ahsant, de la tribu de Banu Tamim. Je ne l'ai pas évoqué ici dans le cours de l'Usul Sitta, vous rappelez cela, cette information je vous l'avais donnée dans le cours de l'Usul Thalatha, au premier cours. Donc ici on fait une révision encore une fois, car sans aucun doute ce shir, ce mujaddid, ce revivificateur, cet imam, Rahimahullah ta'ala, a écrit de nombreux livres profitables que l'on a déjà étudiés, qu'on continuera d'étudier, Inch'Allah ta'ala. Donc il vient de la tribu de Banu Tamim. Quelle est la particularité de cette tribu, Banu Tamim? Tadal. Ils sont plus durs envers Dajjal. Ahsant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Banu Tamim, ashaddun nasi ala Dajjal. Banu Tamim, les enfants de Tamim, ou les gens de la tribu de Banu Tamim, sont les gens les plus durs contre ou envers Ad-Dajjal. Donc Ad-Dajjal, le faux messie. Et qui parmi les savants contemporains font partie aussi de cette tribu? Tfaddal. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah aussi. Et d'autres parmi les savants, mais parmi les plus connus de nos savants contemporains, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Et les savants disent que, comme Banu Tamim, de manière générale, sont les gens les plus durs envers Ad-Dajjal, le faux messie, de même que les gens de Banu Tamim, de manière générale, sont aussi les gens les plus durs envers tout Ad-Dajjalin, tous les imposteurs qui apparaissent, et ce, jusqu'à l'apparition du grand Dajjal. Comme il est venu dans un hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'ils seront proches de 30 imposteurs, qui sont des petits imposteurs comparés au grand imposteur Ad-Dajjal ou l'Akbar. Le grand Dajjal, celui qu'on appelle le faux messie. Et nous le voyons très bien lorsque nous étudions la vie et les œuvres de ces savants, Cheikh Ibn Uthaymin, avant lui, Cheikh al-Islam, Mohamed ibn Abdel Wahhab et autres. Nous voyons dans ce qu'ils ont écrit, dans leurs œuvres, dans leurs prédications, que sans aucun doute, ils ont été parmi les gens les plus durs envers, quand on dit durs, c'est-à-dire qu'ils se sont opposés à eux d'une manière ferme, et qu'ils les ont réfutés de la meilleure des manières. Donc ces gens-là qui font partie des plus petits imposteurs. Parmi eux, les savants de l'égarement, les têtes des gens de l'égarement et de la bid'a, comme on va le voir dans le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. On a parlé dans le cours précédent de deux sortes de voulu, ou de vouloir, ou de volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. On a dit que la volonté ou le vouloir d'Allah tabaraka wa ta'ala était un de ses attributs. Et que dans les textes du Coran, de la Sunna, lorsqu'il est mentionné cet attribut, lorsqu'il est mentionné le voulu, la volonté d'Allah azza wa jal, cette volonté se divise en deux sortes. Quelles sont ces deux sortes? Karim Tfaddal. On a dit en français, en révisant un petit peu dans le dictionnaire, je ne voulais pas donner cette, cette traduction la dernière fois, parce que je n'étais pas sûr d'elle, mais en révisant dans le dictionnaire, en particulier certains dictionnaires qui réunissent plusieurs dictionnaires français, comme le site du CNTRL, qui réunit plusieurs dictionnaires français, et qui cherche dans des anciens dictionnaires comme des dictionnaires contemporains, etc. Il m'apparaît, wallahu a'lam, que la définition, ou la traduction, pardon, de kaouniya par universel est une bonne traduction, ou une traduction proche, qui définit de manière proche, en tout cas, ou qui traduit de manière proche le terme kaouniya. Donc j'avais dit que c'était la volonté, le voulu de création. On peut dire aussi le voulu, la volonté universelle. Wallahu a'lam. C'est ce qui m'est apparu dans la traduction de ce terme. Et la deuxième sorte, al-shar'iyya. On a dit la volonté de législation ou de religion. Quelles sont leurs différences entre ces deux sortes de volonté? La volonté universelle, elle s'applique dans tous les cas. Que ce soit une chose qu'Allah il agrée ou pas, elle s'applique. Elle arrive. Elle arrive, voilà. Ahsante. Et la volonté religieuse, Allah il la souhaite. Après, soit elle se réalise, soit elle ne se réalise pas. Ahsante. Donc la volonté religieuse, la volonté de religion, elle est définie dans certains textes par quel terme? Et elle... Fadal Karim. Al-Mahabba, l'amour, Ahsante. C'est-à-dire ce que Allah Azzawajal aime. Alors que Al-Iradatul Kawniya, donc la volonté universelle, c'est dans ce que Allah Azzawajal aime et n'aime pas. Est-ce qu'une chose qu'Allah n'aime pas peut arriver? Bien sûr. Toujours sous sa volonté. Hein? Est-ce que une chose qu'Allah Azzawajal n'aime pas, pardon, peut arriver? Ah, wallah, Hassan, shalawiyak. On a dit, si vous vous rappelez la semaine dernière, que à ce moment-là, si on veut être précis, on devra faire un détail. On a dit, si tu veux par là la volonté universelle, oui. Si tu veux par là la volonté religieuse, non. Donc, de manière générale, c'est vrai qu'une chose que Allah Azzawajal n'aime pas peut arriver. Est-ce que Allah Azzawajal peut vouloir une chose qu'il n'aime pas? On dit oui, si on veut par là la volonté universelle. Ça, c'est si on veut faire un détail, comme on l'avait évoqué la semaine dernière. Donc, parmi les différences, déjà terminons sur les différences. Donc, parmi les différences qu'il y a entre ces deux sortes de volonté, on a évoqué une deuxième chose. Salim Tfaddal. C'est laquelle? T'as une possibilité sur deux. Hein? On a dit quoi? Hein? La volonté universelle? Hein? C'est la volonté de législation. En fait, il peut avoir les deux volontés dans la terre dessus. Alors que celle qui est universelle, ça dépend. Ahsan Omar. La volonté de législation, de religion, lorsque celle-ci arrive, lorsqu'elle se réalise, on dit que les deux volontés se sont réunies en elle, se sont réalisées. Mais lorsque la volonté de création arrive, eh bien, si cette volonté de création, il n'y a pas cette volonté de religion en même temps, eh bien, on dira que seule celle-ci arrive. Par exemple, on a donné comme exemple, par exemple, pour définir la volonté universelle. Fadl Mahdi. Ça, c'est la volonté universelle ou l'autre volonté? Ça, c'est les deux. Les deux, Ahsante. Revenons à la... D'abord, on commence par la volonté universelle. Al-Iradatul Kawniya. Par exemple, quel exemple? Sur la volonté uniquement universelle. La volonté universelle. On avait dit, Ahmad? La mécréance de Abu Lahab. Abu Lahab était mécréant. Il était parmi les plus grands ennemis de l'islam. Est-ce que Allah a voulu sa mécréance? Hein, dans la volonté universelle, oui, mais pas dans la volonté religieuse. Ahsante. Si on veut par là la volonté universelle d'Allah Azzawajal, bien sûr qu'il a voulu. Puisqu'il n'arrive pas une chose sans que Allah Azzawajal l'ait voulu et décrété. Mais est-ce que Allah veut le kufr, veut la mécréance? Non. Allah Azzawajal n'aime pas la mécréance. Si tu veux par là ce qu'il aime et agrée, c'est-à-dire la volonté de religion, la volonté religieuse, tu diras non, il ne la veut pas. Après, on a dit, comme l'a dit Mehdi, l'islam de Abu Bakr, ou la religion de Abu Bakr, la foi de Abu Bakr, As-Siddiq, Ravi Allahu An. Quelle religion, quelle volonté est en cause ici, dans l'Iman, la foi de Abu Bakr? Quelle volonté? Al-Shari'a ou Al-Kawniya, les deux, non. Comme tu as dit. Les deux, puisque à la base, la foi, l'Iman, c'est une chose que Allah aime et agrée. Donc c'est une chose qui est en relation avec sa volonté religieuse. L'Iman, sa volonté religieuse. Allah veut la religion, veut que les gens rentrent en Islam. Lorsqu'une personne rentre en Islam, lorsqu'une personne croit, les deux volontés se réalisent. Mais on dit que par exemple l'islam des gens du monde entier, que tous les gens rentrent dans l'islam. Quelle est cette volonté qui est mise en cause ici? L'iradatu shar'iyya, c'est tout. Oui. La volonté de religion uniquement. Pourquoi? Parce que si on observe autour de nous, les gens ne sont pas tous croyants. Donc c'est une chose que Allah veut, aime et agrée, mais c'est une chose qui ne s'est pas réalisée ou qui s'est réalisée chez certaines personnes. D'accord? Vous avez une question par rapport à ça? Il y a quelque chose qui n'est pas clair? C'est bon? Alhamdulillah. On a dit que faire la différence entre ces deux sortes de volonté est quelque chose de très important afin de bien comprendre la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa prédestination, dans son décret et sa prédestination. C'est quelque chose de très important. Et au moment où tu maîtriseras la différence entre ces deux sortes de volonté, ces deux sortes de voulu, eh bien, ce sera pour toi une manière que tu auras de te préserver. La science que tu auras dans ce sujet, ou à propos de ce sujet, ce sera une manière pour toi de te préserver, bi'idhnillahi ta'ala, des ambiguïtés touchant à la croyance en la prédestination, qui fait partie des six piliers de la foi. C'est un sujet qui est très important. Certaines personnes peuvent ramener cette ambiguïté. Mais cette chose-là, Allah Azzawajal ne l'a pas voulu. Est-ce que Allah, il veut la mécréance? Allah, il veut la mécréance ou il ne veut pas la mécréance? Si, on a dit, Ahsant. Si ça concerne l'législation, non. Et si ça concerne l'universel. Universel, oui. Comme il dit Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Et vous ne voudrez pas que si Allah le veut, le Seigneur des mondes. Donc une personne qui veut ne pas croire sa volonté, elle ne pourra se réaliser que si la volonté d'Allah, que après la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est une chose que Allah veut. Est-ce que c'est une chose que Allah aime? Non. Donc si on dit c'est une chose que Allah veut, on voudra par là sa volonté universelle et non sa volonté religieuse de religion. Ça c'est très important parce que certaines personnes, parmi des grands groupes égarés, jouent sur cette ambiguïté là en disant que l'être humain crée ses propres œuvres. En fait, c'est par rapport à ça, en fait, je sais pas, c'est ambigu, en fait, j'arrive pas à comprendre par rapport à ça. Est-ce que par exemple, l'acte qu'on est en train de faire, elle a été prédestinée, elle nous a imposé? Ça, c'est cette ambiguïté-là à propos de laquelle on veut répondre ici. Oui. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun. Allah vous a créé et ce que vous œuvrez. Donc Allah tabaraka wa ta'ala t'a créé ainsi que tes œuvres. Et tu ne peux vouloir que si Allah Azza wa Jalla le veut. Il te laisse un libre arbitre. Il te laisse un libre arbitre. Mais sans aucun doute, s'il ne voulait pas que tu œuvres une œuvre, tu ne l'aurais pas œuvré. Mais tu as ce libre arbitre de l'œuvrer. Mais ce libre arbitre est conditionné parce que Allah Azza wa Jalla veut. Et Allah a voulu te donner ce libre arbitre. Tu comprends? Donc tu n'es pas obligé d'œuvrer une œuvre. Allah t'a laissé ce libre arbitre. Mais s'il avait voulu ne pas te laisser ce libre arbitre, il ne l'aurait pas laissé. Tu comprends? Allah Azza wa Jalla te crée toi ainsi que tes œuvres. Il nous l'a accordé, c'est ça? Il te l'a accordé, il a accordé le succès à celui qui croit de croire, et il n'a pas accordé le succès à celui qui mécroit de croire. D'accord. Tu comprends? Et ça, on retrouve ici donc la réponse à cette ambiguïté justement dans l'étude de ces deux sortes de volontés. Quelle est la voix des gens de la Sunna concernant la manière de conseiller le gouverneur? Le gouverneur des musulmans. Comment les gens de la Sunna conseillent ces gouverneurs? Abdul Karim, tfaddal. En privé, Ahsant. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ses paroles, celui qui désire conseiller le gouverneur, qu'il le prenne par la main et qu'il se retrouve avec lui en privé. Comment on peut répondre à cette ambiguïté que les gens de l'innovation mettent et lancent ou jettent lorsqu'ils évoquent ce hadith qui est un hadith qui est authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens de ses paroles, le meilleur des combats est une parole de vérité auprès d'un gouverneur injuste. Fadal akhi. Auprès de lui, c'est-à-dire il l'accompagne, il est avec lui quoi. Ahsant. Et eux, comment ils prétendent conseiller, comment ils prétendent appliquer ce hadith? En faisant de la médisance dans les assemblées. Ahsant, en faisant de la médisance dans les assemblées, en parlant dans les journaux, en parlant sur le minbar, en mettant la dissension entre les musulmans, en mettant la discorde entre les musulmans et entre les gouverneurs et leurs sujets. Par des khotab, le jour du vendredi, par des cours, en parlant dans les journaux, en évoquant les œuvres blâmables du gouverneur. Et sans aucun doute, le gouverneur est un être humain. Il a des défauts, il commet des péchés. Et est-ce que la médisance ne lui est pas due, l'interdiction de le médire ne lui est pas due à lui aussi, comme le reste des musulmans? Elle lui est due à lui aussi. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc « Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair » Le meilleur des combats est une parole de vérité auprès, inda, comme l'a dit le frère sallallahu alayhi wa sallam, auprès, pas derrière son dos. Pas devant tout le monde, auprès de lui. Comme l'explique le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans cet autre hadith que l'on a évoqué précédemment. Il va le voir, il le prend par la main et il se retrouve avec lui en privé. À partir de là, il aurait été inda. Il aurait été auprès de lui réellement. L'erreur de beaucoup parmi les gens de l'innovation, le fait de prendre un seul texte et de le rendre général à toute situation, Arsène. On a évoqué aussi deux sortes de manières qu'ont Khawarij, les gens de l'innovation, de sortir, de se révolter contre le gouverneur. Al-Khuruj, de deux manières, Hassan, fadda. Arsène, Al-Khuruj, la révolte, la sortie contre le gouverneur, par l'épée et par la langue. Et cette manière-là, par la langue, est une chose que beaucoup de gens sont insouciants de cela. Ils disent que à partir du moment où je ne me suis pas révolté, je n'ai pas pris les armes, je ne suis pas sorti contre lui. À partir du moment où la manifestation est une manifestation pacifique, ce n'est pas le khuruj. Manifestation, qu'elle soit pacifique ou non, ça s'appelle khuruj. C'est une sortie contre le gouverneur, c'est une révolte contre lui. Et ce n'est pas un moyen légiféré, un moyen que Allah et son prophète nous ont légiféré pour conseiller, pour faire valoir des revendications. Donc sans aucun doute, si Allah et son prophète ne l'ont pas légiféré, ceci relève de l'innovation religieuse. Et toute innovation est un égarement, et tout égarement est dans le fait.